Jamais mon toi à vous t'en attends à mérita et loco. Tout est grâce, valeur à Royons Ambassala et son mama katena mbongo. Tout est grâce, à fumbole la biso, et coupé qui non a kembo. Tout est grâce, ata et loco ya ofele, senga kakriter. Tout est grâce, sokos y invitation à mon konzola te lamba ya fetie. Tout est grâce. Ezango lue, bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango lue, makambo Yesu asala pona biso. Ezango lue, kokoma mwana nzambe. Ezango lue, oyo Yesu asala nekulusu. Afuta nyonso esengeli, poto koma bana nzambe na kondima. Tokota na bomo ya bosantu. Et à la plus sans effort. Bolingo, yes, voilà qui s'appone à Bisso. Et à Bolingo, ya oufele. Bisso, n'y en soba sans tout au yema. Toganga, ya oufele. Bolingo, et à oufele. Mouna mouna zambeza. Ya oufele. Mawana zambeza. Ya oufele. Mouna mouna yesweza. Ya oufele. Esengi makasi teo. Ya oufele. Mawana zambeza. Ya oufele. Comment mon saint tu es ça? Au côté de la sainte de saint. Oh, oh, Eza. Oh, Bolingo, y'a un zambé ça. Moto ya bout en adam a mérita et loco. Tout est grâce, valeur à Royons Ambassala et son mama katena mbongo. Tout est grâce, à fumbole la biso, et kouke qui non a kembo. Tout est grâce, ata et loco ya ofele, senga ka kriter. Tout est grâce, sokos y invitation à mon konzola te lamba ya fetie. Tout est grâce. Ezango lue, bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango lue, makambo Yesu asala nekulusu. Pe matozwi ya ofele, toyebi kutu mopesi te. Kobatela mabe ya ofele, tomoni kutu mobateli te. Kasi bolingo na ye mpona biso, ewuti na mozindo ya motema. Asala nyonso asengi eloko te. Otoko kiko pesa en retour. Bolingo ya ofele. Ya ofele. Oh, mawana zambeza. Ya ofele. Oh, kobatela maeza. Ya ofele. Esengi makasi ya bomoto te. Ya ofele. Asenge yango fakture te. Ya ofele. Sengi ni par le fort ni par la force humaine. Eza nango luya nzambe. Ya ofele. Seza nango gratuit. Ya ofele. Oh, mawana zambeza. Ya ofele. Na zambe na mitema. Kumate la magerizon ya nzoto. Abikisa yo na nzoto ezanango. Apesa yo kimya ezanango. Apeso mapamboli ezanango. Esengi makasi teo. Bolingo yango eza, oh mawana nzambeza. Boya liziba yango lwe fungwa nyo. Bolingo na nzambeza, aso pingolu likolo ya bandimi nyonso esengi makasi te oya liziba yango lo efungwami bolingwa na nzambe za tiela elikya asi asala nyonso kwapesa yo bomoi kobatelama eza bolingwa na nzambe za Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le racheté. Gloire à toi qui a ouvert les portes des cieux pour quiconque croit. Gloire à toi qui a amené la faveur divine au milieu des hommes. Gloire à toi, notre Seigneur, toi qui nous ouvre les portes de ta majesté. Fanda, nangwende na yo pona seko. Umela mo santu, bongo biso to sopa ma sanjoli na makolona oya yo, yonzambe umela kapona seko.